Bienvenue dans Exocet, chers auditeurs de Rage, bienvenue dans l'émission qui, pendant une heure et demie, va vous entretenir d'informations hallucinantes, d'histoires effrayantes, d'histoires étonnantes aussi, de faits bizarres. Et donc, dans cette nouvelle formule, puisque donc, à nouvelle saison, nouvelle formule, eh bien, il y a plus d'histoires, des histoires peut-être plus brèves, donc aussi plus digestes, et surtout donc il n'y a plus de thématiques figées, c'est-à-dire que donc ça sera davantage comme une sorte de zapping de l'étrange avec des histoires sans fil conducteur, mais ça permet aussi de relancer l'intérêt, puisque admettons par exemple qu'on fasse une spéciale, une spéciale tueur en série, et que vous êtes il y en aura une bientôt, hein, et que vous êtes particulièrement sensible à ça, vous vous dites ah non je ne vais pas écouter parce que je sais que ça va me dégoûter, et donc vous ratez toute l'émission, alors que là sournoisement de vous écoutez quand même notre histoire de tueur en série. On est en train de parler de petits lapins. Parce qu'il y a beaucoup, parce que les thèmes sont très très variés. Donc voilà. Et puis aussi, c'est vrai que l'émission. Mais ça la dynamise, moi je trouve. Ça lui donne un peu de peps. Ça la dynamise. Et puis en plus de ça, l'émission, c'est vrai, est estampillée d'une sorte de logo paranormal, alors que c'est vrai que dans cette émission là on parle de beaucoup de choses différentes, et là notamment cette année on va parler d'informations parfois méconnues, de faits surprenants, et donc c'est Thomas qui va démarrer tout de suite avec le manuscrit de Voynich. Oui, alors juste avant quand même, oui, c'est bien de préciser qu'on continuera quand même certainement, même c'est sûr, à faire des émissions à thème thématique, oui. Comme sur les tueurs en série, etc. On va garder quand même nos grands classiques. Ça sera exceptionnel, mais voilà. Voilà, ça sera exceptionnel, mais on fera des thèmes forcément encore, on gardera nos grands classiques, quoi. Pour rassurer, je sais, quelques fans irréductibles, voilà, qui réclament du dossier. Qui veulent bouffer du tueur en série. Vous allez en avoir, vous êtes contents. Alors, le manuscrit de Voynich. Alors, je ne sais pas si par ici vous connaissez l'histoire de ce manuscrit intéressant, très intéressante d'ailleurs, vraiment très curieux. Alors, c'est tout simplement un manuscrit qui a été découvert, dont on ne connaît ni son auteur, ni son origine. Et personne, jusqu'à présent, n'a réussi à décrypter ne serait-ce qu'un seul mot, voire même une seule lettre de ce manuscrit. Donc c'est dire la complexité du codage qui a été utilisé. Et on ne sait pas non plus d'ailleurs dans quelle langue il a été écrit, puisque même à la rigueur, si ça avait été un codage entre guillemets classique, par exemple en français on fait un codage, on utilise quand même un alphabet occidental, donc on retrouve des lettres qui nous parlent. Les mots veulent rien dire, enfin les mots formés par le codage veulent rien dire, mais on retrouve notre alphabet. Alors que là c'est un alphabet qu'on ne connaît même pas, donc on ne sait même pas de quelle langue il est tiré. Et donc ça fait plus de 5 siècles, hein, puisque ça fait 5 siècles qu'il a été découvert, que ce manuscrit garde son secret. Et il faut rappeler que la quasi-totalité des écritures étrangères, des écritures tribales, ont été déchiffrées. Hein, bien sûr. Puisque donc voilà, on sait que notamment les hiéroglyphes ont causé beaucoup de soucis à Champollion, mais grâce à la pierre de Rosette, il a pu déchiffrer les fameux hiéroglyphes. Et puis on sait que... Encore, ça serait un langage qu'on n'arriverait pas à déchiffrer. Pourquoi pas, admettons que ça soit effectivement pour les hiéroglyphes, on a eu besoin d'avoir recours à la pierre de Rosette, c'était une grande chance de tomber là-dessus. On aurait pu tomber sur une civilisation, les Égyptiens, on n'aurait pas trouvé cette pierre-là qui aurait permis une traduction, qui avait une traduction sur la pierre elle-même, on n'aurait jamais pu traduire les hiéroglyphes si ça se trouve. On aurait peut-être eu du mal, mais je sais que par exemple, les hiéroglyphes aztèques, je pense pas qu'il y ait eu une telle pierre de Rosette, pourtant on les a déchiffrés. On les a déchiffrés de toute façon, c'est clair, mais en tout cas, là ce qui est étrange, c'est qu'à la rigueur, ça serait non déchiffrable, pourquoi pas, mais il y en aurait plusieurs sortes de plusieurs documents avec le même alphabet. Je veux dire, là c'est vraiment. Là, c'est le seul. Voilà, d'accord. C'est comme s'il sortait de nulle part et il y avait un mec qui parlait cette langue sur Terre, d'accord, qui avait pondu ce truc-là, quoi. Donc vraiment, il a aucune origine logique connue. Alors, il est composé de 204 pages de texte. Généralement, il y a une illustration par page, alors parfois en couleur, parfois elle reste en noir et blanc. Alors les illustrations représentent plusieurs choses assez étonnantes, alors soit des plantes complètement fantasmatiques, du type plantes biscornues, que je qualifierais un peu de psychédéliques. Vous voyez, dans les années 70, les plantes qu'on dessinait sur les draps, ce genre de choses, voilà, on retrouve un peu cette espèce de style de dessin. Il y a des diagrammes astronomiques, apparemment plus que très précis. Et puis, il y a des panoramas bizarres qui sont représentés avec généralement au premier plan des femmes nues. Voilà. Il n'y a pas d'hommes nus d'ailleurs, hein. Il y a uniquement des femmes nues. Alors, était-ce le premier ? Normal. Alors, rappelons donc que le manuscrit est âgé de 5 siècles. Le manuscrit est âgé de 5 siècles. Il a été daté, on sait donc que c'est pas un canular. On sait que c'est pas un canular, daté au carbone 14, etc. Mmh. De nombreux scientifiques se sont penchés sur la question au cours de l'histoire de ce manuscrit, et vous allez voir qu'elle est riche. Et vraiment, donc, ce manuscrit est un fait réel, avéré, et dont on ne connaît absolument pas l'origine ni la signification. Alors, ce qui étonne Donc dans ce texte, enfin dans ce manuscrit, c'est plutôt le texte, plutôt que les illustrations. On peut se dire que le gars a dessiné des trucs un petit peu fantasmagoriques, mais le texte étonne vraiment, puisque donc comme je disais tout à l'heure, l'alphabet est mystérieux, il existe nulle part ailleurs dans le monde. Après des siècles d'études, ni les meilleurs médiévistes, ni les plus doués des cryptographes n'ont réussi à casser ou à déchiffrer le manuscrit. Alors en plus, on ne sait pas vraiment quelle est l'origine, où est-ce qu'il a été trouvé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première référence à ce manuscrit a été faite dans une lettre qui date de 1666, qui a été écrite par John Marcus Marchi, qui était en fait le recteur de l'université de Prague à l'époque, Prague étant la première université européenne, elle date, 1666, vous voyez qu'ils étaient largement en avance. Et donc c'était un très haut scientifique de l'époque, et il a fait référence à ce manuscrit dans une lettre qu'il a envoyée à un de ses correspondants. Mais donc c'est la première référence qu'on a à ce manuscrit, et ce manuscrit donc lui appartenait. Mais lui, on ne sait pas vraiment où il a acquéri et où est-ce qu'il se l'est procuré. Donc on n'a même pas l'origine, si vous voulez, archéologique, genre on aurait trouvé ça dans le désert de Gobi ou des choses comme ça. Vraiment, là, ça sort un petit peu de nulle part. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ce haut universitaire, voyant sa mort venir à cause de l'âge, hein, tout simplement, a décidé de distribuer donc toute sa bibliothèque à son entourage, en guise d'héritage, et il a confié donc ce manuscrit à son ancien professeur jésuite qui s'appelait Kircher, persuadé que ça serait le seul à pouvoir déchiffrer, et que ça serait le seul à même... De déchiffrer le manuscrit, voilà, merci. Donc, Kircher, lui, en fait, ne s'est pas du tout penché sur ce manuscrit, hein. Donc, pourquoi lui ? Parce que c'était un grand spécialiste de l'époque du déchiffrage des langues romaines, etc. Donc, lui ne s'est pas du tout penché sur le manuscrit et, en fait, s'est tombé dans l'oubli pendant quasiment 3 siècles avant que le manuscrit ressorte. Et ressorte en 1912, donc ça fait pas si longtemps que ça. Ouais. Et il est ressorti... grâce à une personne qui s'appelle Voynich, dont le nom au manuscrit de Voynich, qui a découvert en fait donc le manuel dans la bibliothèque de la Villa Mandragore. Alors la Villa Mandragore, hein, c'est un célèbre collège jésuite qui est près de Rome. Donc Voynich décide de le ramener en Amérique. Il en fait des copies pour des spécialistes, des linguistes, des paléographes, des astronomes, des botanistes. Alors vraiment, il se fait un panel assez large de scientifiques comme ça, parce que peut-être qu'il se dit un botaniste en voyant les plantes va pouvoir donner une signification au truc, etc. Et pourtant, le manuscrit résiste là toujours à toutes les tentatives de déchiffrement et personne n'arrive à trouver la solution. Alors, en 1919, Newbold, un autre spécialiste des langues anciennes, il va s'acharner dessus pendant pratiquement 6 ans, non-stop, et il va mourir convaincu, donc sans avoir réussi à déchiffrer, mais en étant convaincu en fait que l'auteur de ce manuscrit n'est autre que Roger Bacon. Alors là, je fais une petite parenthèse parce qu'on parlera de lui tout à l'heure dans un autre dossier entre guillemets qui lui sera attribué puisque c'est un personnage très intéressant. Donc l'auteur aurait été Roger Bacon, pour faire court, un éminent scientifique du Moyen-Âge à qui, grosso modo, on a attribué tous les livres intéressants qui n'ont pas d'auteur. Voilà, d'accord. Grosso modo. Alors, là, puisqu'on n'arrive pas à lire ce qui est contenu dans le texte, hein, et toujours pas à l'heure actuelle, on va essayer de se pencher un peu ce qu'il y a sur les dessins. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a moult dessins, puisqu'il y en a quasiment un par page. Alors, il y a 400 dessins qui représentent des plantes. Parmi ces 400 dessins, seulement 16 plantes ont été identifiées. Les autres sont d'origine inconnue. Les botanistes n'arrivent pas à dire, ben voilà, ça c'est telle plante. Certains dessins, alors ça c'est assez troublant, certains dessins ressemblent en fait à des coupes d'organismes végétaux observés sous lamelle microscopique. Donc c'est très étonnant puisque le premier microscope a été inventé uniquement au XVIe siècle. Donc voilà, il y a une grande marge entre la date de création du manuscrit et les dessins. Et puis, il n'y a pas d'explication sur les nombreuses femmes, donc, comme je disais tout à l'heure, qui apparaissent nues, alors dans des cercles concentriques en plus, devant des panoramas assez bizarres. Et il n'y a donc aucun homme qui sont dessinés. Un peu comme si c'était donc un manuscrit issu d'une civilisation disparue ou inconnue. Voilà. Mais des civilisations qui auraient fait un manuscrit. Genre, ils auraient inventé l'écriture et pouf, ils disparaissent. Ça fait quand même, c'est quand même un petit peu mystérieux. Alors, c'est vrai qu'il y aurait plusieurs autres manuscrits comme ça. J'en n'en demande pas des 100 000, hein, mais au moins c'est une dizaine. Mais là, le fait, c'est qu'il est unique. C'est le seul qui n'a jamais été déchiffré. Voilà, et c'est le seul qui n'a jamais été déchiffré. Mais alors, c'est vrai que si ce manuscrit était resté indéchiffrable, mais s'il avait contenu donc des dessins compréhensibles, on aurait pu se dire que l'auteur l'avait écrit pour lui-même seulement. Exactement. Ou pour quelqu'un qui connaissait le code. Exactement. Mais là, en l'occurrence, il y a aussi des dessins mystérieux, ça étranges. Ça contribue encore plus au mystère, parce qu'effectivement, ouais. Sur 400 dessins de plantes, on arrive à en identifier uniquement 16, et on ne meurt pas avec certitude. Ça veut dire que les 384 et quelques qui traînent à côté, on est incapable de dire de quelle plante il s'agit, quoi. Et pareil, quand des scientifiques se penchent sur les dessins et disent bah, « ça, si moi j'avais dessiné telle plante en coupe, vue microscopique, je l'aurais dessiné comme ça », c'est troublant aussi, puisque effectivement, le microscope n'avait pas lieu d'exister à cette époque-là. Donc plusieurs éléments comme ça étonnants. Et donc, depuis Internet, forcément, le manuscrit suscite un regain d'intérêt assez énorme, hein, puisque là, tous les webmasters en herbe et tous les aficionados d'Internet essayent d'apporter leur petite contribution. Donc toujours sans résultat. Hein. Alors il y a plusieurs sites internet qui traitent du sujet, mais bon, ils sont jamais personne n'est arrivé à faire quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a des pistes, des soupçons par rapport au sens de ce manuscrit ou pas du tout? Alors par rapport au sens, il n'y a absolument aucune piste ni quoi que ce soit, aucune indication de ce qu'il pourrait contenir. A priori, un livre de botaniste alors ou de biologie. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi mettre des femmes nues sur des panoramas étonnants des botanistes cercles... pervers. comme une sorte de manuscrit, voilà. qui serait tombé d'une dimension parallèle, sans aucune explication. Peut-être le premier livre naturiste, je ne sais pas, un truc étonnant. Ce qui est génial, c'est quand Voynich donc l'a découvert dans ce collège jésuite en 1912, c'est un peu un fantasme de nouvelles fantastiques. On s'imagine pénétrer dans une petite bibliothèque d'un petit collège reculé et tomber sur un manuscrit totalement mystérieux, inconnu, incompréhensible, indéchiffrable. Et donc j'imagine qu'il a dû, sûrement avoir le frisson de sa vie en découvrant ce manuscrit si rare et si mystérieux. Alors concernant donc en tout cas le non-déchiffrement du manuscrit, il y a une explication qui peut être tout à fait plausible, c'est que le manuscrit était rédigé grâce à une grille de codage. Donc c'est un système qui existe encore actuellement et qui permet effectivement de rédiger des textes sans qu'aucun déchiffrement soit possible, puisque ça utilise un système en fait où ça va créer aléatoirement un caractère qui va représenter tel caractère. Enfin je vais pas vous passer sur la formule mathématique, mais ça permet effectivement de créer des textes de façon assez simple, hein. D'ailleurs, une grille de codage, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place. Par contre, le résultat final est quasiment impossible à déchiffrer. Mais là, comme je disais tout à l'heure, s'il avait utilisé une grille de codage, nous on utilise une grille de codage, on a toujours des mots qui ne veulent plus rien dire en français, mais qui sont écrits avec des caractères occidentaux, alors que là, c'est non seulement une grille de codage, mais en plus, c'est des caractères qu'on ne connaît pas. Et les caractères ressemblent à quoi, alors ? Alors, les caractères ressemblent un petit peu à des signes, je dirais, un mélange entre des signes kabbalistiques et des hiéroglyphes, mais plutôt... des hiéroglyphes très simplifiés. Il n'y a pas le côté illustration. Le côté dessiné. Ouais. Voilà, il n'y a pas le côté dessiné, mais dans l'esprit, ça ressemble un petit peu à ça. C'est souvent incorporé dans des cartouches aussi, etc. D'accord. Mais le contenu du cartouche ressemble plus effectivement à des signes kabbalistiques. Donc voilà, un manuscrit mystérieux d'une origine totalement inconnue avec des inscriptions bizarres. C'est parfait pour Exocet tout ça, donc j'espère que ça vous a intéressé. Tout à l'heure on parlera donc de Roger Bacon. Tout à fait. Qui est soupçonné d'avoir écrit ce manuscrit. Qui est soupçonné d'avoir écrit ce manuscrit. Et d'avoir inventé le petit déjeuner. Voilà. juste après la première pause musicale, je vous parlerai des erreurs des experts. Vous savez qu'il y a des experts en tout, des experts en sciences, des experts en économie, des experts en médecine. Et vous verrez qu'au fil du XXe siècle et également au fil du XIXe, il y a eu quelques bourdes assez astronomiques. Et à présent, moi, je vais vous entretenir des erreurs des experts. Parce que, vous le savez, les experts sont devenus quasiment des prophètes laïcs aujourd'hui. Hein. On s'en remet à leur sacro-sainte opinion, que ce soit le public, le grand public ou les autorités. Et donc on leur accorde notre plus totale confiance. Et c'est vrai que parfois, on se moque de la foi aveugle des religieux, mais une foi trop importante dans les mots des experts peut s'affilier finalement à de la foi, puisque enfin, je fais déjà une petite parenthèse, tu me dis, t'as pas beaucoup commencé, mais il y a aussi quand même, je trouve maintenant, à notre époque, beaucoup d'experts de tout et de n'importe quoi. Ah oui, On regarde des émissions, ça va être marqué expert en géropromptologie, des trucs hallucinants qui n'ont même pas lieu d'être. Les gars créent leur propre expertise. C'est vrai que le terme est devenu très trompeur, puisqu'on a des experts de disciplines plus ou moins pseudo-scientifiques, par exemple, experts en géobiologie, voilà, experts en numérologie, etc. Alors donc, que la numérologie, à la base, déjà, n'est pas une science. Voilà, donc... Devenir un expert qui a un terme scientifique, attribuer un terme scientifique à une activité qui ne l'est pas, c'est assez vicieux, c'est une certaine hypocrisie intellectuelle. Mais bon, encore une fois, l'idée, c'est pas de remettre en question les dires de tous les experts. Heureusement qu'il y a des experts qui sont là pour essayer de nous faire comprendre un petit peu mieux le monde dans lequel on vit. Dans la masse, maintenant, d'experts qu'il y a... on s'y perd. Voilà, on s'y perd forcément, c'est donc, clair. Les propos de cette petite chronique que je vais vous présenter, c'est simplement de dire que, en toutes circonstances, qu'il s'agisse donc de science ou qu'il s'agisse de religion, il est bon de garder un recul, un esprit critique. Donc, même si ça sort de la bouche des experts, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte. Gardez toujours un minimum de recul et de réflexion personnelle, parce que voilà, c'est toujours plus prudent. Parce que c'est ce qu'ils nous savent. Que croire ce qui sort d'Exocet. Voilà, exactement. C'est le seul truc qu'il faut croire, c'est ça. C'est vrai. Et vous allez voir pourquoi il vaut mieux être prudent. Donc, Thomas Edison, par exemple, qui était un physicien génial et notamment inventeur du téléphone, déclara que le téléphone n'avait d'autre avenir que d'être un jouet pour les oisifs, donc pour les paresseux, pour les feignants. Voilà ce que disait Edison de sa propre invention, le téléphone, mais ça marchera jamais, ça sera juste un petit gadget pour les feignants. Voilà. Oui, c'est effectivement un peu curieux. Voilà, non, parce que c'est vrai que la plupart du temps, ce que disent les experts peut induire des millions de personnes dans l'erreur et donc conditionner des pensées. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas trop grave. Ah non, mais c'est juste un petit début pour vous mettre en bouche. C'est aussi des prédictions erronées. Ouais. Donc, il a également inventé le phonographe, Edison, en 1881, et donc il déclara que le phonographe n'avait aucune valeur commerciale. Donc, on connaît aussi aujourd'hui le succès de l'industrie du disque, on a vu ce que c'est devenu. Ouais. Donc là, il avait un petit peu manqué de flair, le Edison, sur ce coup, et probablement qu'il avait influencé l'opinion populaire sur ce média-là, et donc c'est plus grave quand on l'applique à l'époque contemporaine et qu'on se dit, si un expert décide que tel ou tel domaine, tel ou tel sujet n'est pas digne d'intérêt, il se peut que l'opinion populaire se rallie à son idée, et donc c'est pour ça que ça peut être assez dommageable parfois. Il avait dit aussi, Edison, vous allez voir, en 1889, rien ne justifiera l'utilisation du courant à haute tension et du courant alternatif, ni d'un point de vue scientifique, ni d'un point de vue commercial. Voilà. Donc imaginez qu'un expert aussi influent réussisse à empêcher finalement le développement du courant alternatif ou du courant à haute tension, voilà ce qui se passerait. Donc, c'est pour ça que je dis quand même, ce qui nous sauve un petit peu, c'est que les grosses décisions à ce niveau-là, au niveau scientifique, maintenant sont prises par des comités qui réunissent plusieurs centaines d'experts, etc. Ça permet, je pense, quand même de conserver ce ratio. Dans le cas d'Edison, il y a quand même un paradoxe assez savoureux, c'est que ce mec-là était un génie scientifique, mais qu'en même temps, il manquait singulièrement de flair et d'intuition. Sur son phonographe, il collait une petite pomme et ça partait comme des petits pains. À bloc. Mais donc là, il était très mauvais en ce qui concernait donc l'intuition. Hein. Et on continue en beauté avec Lord Kelvin, qui est l'inventeur du phonographe, Lord Kelvin, et c'est également le découvreur de la deuxième loi de la thermodynamique. Et il prophétisa, on s'apercevra que les rayons X sont une supercherie. Voilà, donc on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Je ne sais pas, vous allez faire une radio, parler de Lord Kelvin à votre médecin. Il déclara également, alors qu'il était président de la Royal Academy britannique, qui est donc une institution de scientifique, il déclara « la radio n'a aucun avenir ». Donc ça, c'est bon pour nous. Pour lui, voilà, c'était simplement un gadget. La voix propagée par ondes, pour lui, il n'y avait aucun avenir. Et, la radio, d'accord. Et donc voilà, la radio, pas la radio, au rayon X, c'est vrai que non, il n'y a pas de... Il s'est un peu acharné, oui. Oui, non, c'était pas celle-là. La radio et les rayons X, c'est nul. On parlait bien de la radio, de celle dans laquelle on parle actuellement. Mais quand il parlait, je sais pas si tu le sais, tu me diras, mais quand il parlait par exemple de la radio à rayon X, est-ce que c'est parce que le produit n'existait pas encore, ou il a été... Si. Il s'existait déjà, et pour lui... Quand il voyait les résultats, la possibilité de voir l'intérieur du corps humain, etc., ça lui semblait pas génial. En fait, à l'époque où il a dit ça, Röntgen venait de découvrir les propriétés radioactives de l'uranium, il me semble. Ouais. Et donc, à partir de là, Lord Kelvin a dit, a déclaré, vous allez voir, c'est du flan, les rayons X, tout ça, c'est bidon. C'est n'importe quoi. Donc parce que parfois aussi, il y a un phénomène de jalousie au sein de la science qui fait que certains scientifiques s'acharnent sur d'autres scientifiques dès lors que ceux-ci découvrent des choses qui peuvent remettre en question leur vision du monde. Et donc c'est qui plus est, parfois c'est si, très très trivial. Qui plus est, si en plus là, surtout à l'époque, il y avait une femme qui participait au truc, qui était Marie Curie, je pense que ça devait pas forcément être très apprécié par la communauté. Bon, elle a dû souffrir. Elle a fait le café. Mais à ce sujet-là, vous allez voir que parfois, les pires ennemis du progrès sont les serviteurs autoproclamés de la science, donc, notamment en ce qui concerne le vaccin contre la rage, puisqu'en 1885, donc, après que Pasteur ait sauvé le jeune Joseph Meister de la rage en lui inoculant le vaccin qu'il avait inventé, il fut attaqué à l'Académie de médecine par le professeur Peter. Donc Pasteur fut attaqué à l'Académie de médecine par ce professeur qui prétendait que le vaccin donnait la rage. Donc voilà, alors là, est-ce qu'il s'agit de jalousie ? Est-ce qu'il s'agit de gêne vis-à-vis du fait que tout à coup ses repères explosaient, qu'on inventait quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est pas le même phénomène qui se passe avec les gens, même maintenant, qui pensent que les vaccins donnent la maladie ? Voilà, parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui encore, ça existe. Il y a un côté qui est trompeur dans le vaccin, dans le sens où on inocule la maladie pour s'en prévenir. Donc voilà, c'est vrai que le grand public a toujours eu du mal à assimiler cette idée-là, puisqu'on inocule finalement la maladie elle-même. Mais il faut savoir qu'on l'inocule de façon désactivée, en fait. Et c'est là toute la fin. Ce qui est très drôle, c'est que très souvent, les opposants, les détracteurs des vaccins sont parfois les défenseurs de médecine alternative, je pense notamment à l'homéopathie, alors que le principe de l'homéopathie, c'est d'extraire une fine parcelle d'un produit qui est censé provoquer des dégâts. Donc c'est finalement le principe du vaccin, et là par contre ça les gêne pas. Par exemple, si quelqu'un a du mal à dormir, si par exemple quelqu'un a du mal à dormir, le principe d'un produit homéopathique, ça serait donc de prendre, un peu de caféine, de la couper, de la réduire. Donc c'est le principe de l'homéopathie, hein, réduire le produit jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus une seule molécule de produit actif, mais dans l'idée du vaccin, donner quelque chose qui devrait provoquer l'effet inverse qu'on recherche. Mais là voilà, donc c'est vrai que les gens ne cherchent pas toujours la rationalité. Et donc la presse de l'époque, après cette histoire là de vaccin, la presse de l'époque donc mena une campagne de calomnie contre Pasteur, et l'accusant même de cacher les cadavres de ceux auxquels il avait inoculé la rage. Donc c'était assez terrible, parce que cet homme-là a sauvé des milliers, des millions de gens à travers les décennies, et à l'époque il était calomnié, et cette persécution d'ailleurs dura jusqu'à sa mort en 1895. Donc Pasteur mourut sous la calomnie, et il ne connut pas bien la gloire qu'on lui accorde aujourd'hui. Donc c'est un petit peu triste et ironique. Mais il a dû, il devait avoir un fort caractère, parce que justement il n'y a pas longtemps j'ai vu un reportage sur lui sur France 5, et après il est parti du côté de la Thaïlande, ce genre de pays, pour faire de la culture d'arbres à quinine, etc., pour pouvoir lutter contre le paludisme. À mon avis, heureusement qu'il avait l'esprit fort. Ouais, à mon avis c'est le genre de personne, ça devait lui passer à 100 000. D'ailleurs c'est un exemple vivant du fait que si on croit réellement à ses idées, il ne faut pas se laisser abattre par ce que pensent les autres, parce que sinon Pasteur aurait peut-être lâché l'affaire, et aujourd'hui on n'aurait pas de vaccin. Ouais. Donc voilà. En 1911, vous allez voir que c'est très savoureux aussi, le maréchal Foch, qui était donc un expert militaire, déclara « Les avions sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire ». Voilà. Quand on sait que toutes les guerres qui ont suivi ont été gagnées grâce à l'aviation, enfin grâce ou à cause de l'aviation et des bombardements, c'est assez comique. Et c'était une idée Foch. Voilà. Et en 1939, c'est un autre maréchal, le maréchal Pétain, qui déclara « L'impuissance des tanks est frappante ». Bon, on sait qu'en 1939, le maréchal Pétain donc sucrait déjà pas mal les fraises, donc c'est encore un exemple assez fort. Toujours en 1939, donc Winston Churchill, qui lui pourtant ne prenait jamais la parole sur des sujets techniques sans avoir consulté ses experts, Winston Churchill affirma « L'énergie atomique est peut-être aussi efficace que nos explosifs actuels, mais il est improbable qu'elle produise quelque chose de plus dangereux ». Donc voilà, la suite nous a prouvé que là, pour le coup, il s'était trompé, le gros, car on l'appelait le gros. Donc toujours par rapport à la bombe atomique, en 1945, donc quand les États-Unis se préparèrent à lancer la bombe atomique, l'amiral William Leahy, qui était un des militaires les plus respectés du pays, donc protesta auprès du président Truman en lui disant « C'est la plus grosse bêtise qu'on a jamais faite, la bombe n'explosera pas et je parle en tant qu'expert des explosifs ». On parle donc de la bombe qui a commis les ravages les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et ça marche pas, le pétard est mouillé. En même temps, c'est dommage que cet amiral William Leahy n'ait pas eu plus d'influence, parce que peut-être que oui, ça aurait, ça aurait pas, épargné ça pas mal de morts. C'est dommage aussi qu'il ait pas eu raison, surtout. Voilà, et oui, c'est vrai. Et donc parfois, les experts ont une influence sur les autorités et ils se sont trompés au départ, donc ça peut être une influence négative, mais là, pour le coup, c'est vrai que ça aurait été une influence positive s'il avait pu convaincre les gens de ne pas bombarder Nagasaki ou Hiroshima. Alors en 1980, donc, Ronald Reagan affirma « Tous les déchets radioactifs annuels d'une centrale nucléaire peuvent être entreposés sous un bureau. » Voilà, donc c'était un homme optimiste. Mais pas le mien, hein. Je rappelle qu'avant d'être président, Ronald Reagan... On va tout ça à la maison ovale, alors. Ben voilà, Ronald Reagan était acteur avant d'être président, je le rappelle. Et donc, acteur comique. Oui, sûrement. Et on se doute que là encore, il avait parlé après avoir consulté ses experts, donc voilà. En 1976, alors celle-là est très jolie, Herman Kahn, qui est donc un des grands experts de la Rand Corporation. Alors la Rand Corporation, c'est un think tank, comme on dit, c'est une espèce d'institution de réflexion, un groupe de réflexion comme il y en a beaucoup aux États-Unis. Donc voilà, c'est un groupe qui se réunit pour réfléchir et analyser et pour donc trouver des solutions sociales, des solutions économiques, politiques. Et donc ce Herman Kahn donc fit quelques prophéties sur l'an 2000 et il les fit en 1976. Donc voilà, c'est savoureux. Ouais. Selon lui, donc la moitié des habitants du tiers-monde en l'an 2000 atteindraient un revenu personnel de 4 500 €. Évidemment, à l'époque, il avait parlé en dollars, hein, mais je convertis. Tu as fait la petite conversion. Voilà, avec donc, la plus-value quand même et tout ça. Voilà, ouais. Tout à fait. Donc, indexé sur le coup. Or, rappelons que le quart de la planète vit aujourd'hui avec un dollar par jour, donc on est quand même loin du compte. Et que même en France, 4 500 €, ça serait plus que très confortable. C'est clair et net. Toujours selon Kahn, donc, le minerai lunaire serait exploité en 1985. Donc voilà, imaginez carrément des usines sur la Lune qui extrairaient du minerai lunaire. Et donc des lunes artificielles auraient été lancées, selon lui, voilà, autour de la planète. Et enfin, donc le climat terrestre, selon Kahn, en 2000, serait sous contrôle humain. Alors c'est vrai qu'il y a une influence de l'humanité sur le climat, mais on n'a pas fait exprès. Contrairement à ce que pensait Kahn. Au niveau des lunes qui sont lancées, on peut assimiler ça aux satellites. Enfin, je ne sais pas ce qu'il entendait par lune artificielle. En très très large, mais lui, il pensait quand même à des corps célestes. Hein. Il pensait à des mini-lunes mises en où orbite. Où on irait vivre dessus, tu veux dire. Ah oui. Je pense à ça, moi, pour faire plus d'espace, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a la station. C'est peut-être le seul point où il s'est trompé, à 60%. Ouais, on accorde un petit point là-dessus, quand même. Mais donc, la perle revient sans doute à James Usher. Donc, James Usher, qui est-il? C'est un archevêque irlandais. Un grand danseur. Non, c'est pas le même, hein. Aucun lien avec Usher. Donc, c'était un archevêque irlandais, expert en création, vous allez voir, qui affirma, après de savants calculs basés sur la généalogie des personnages de la Bible, la Terre a été créée en 4004 avant Jésus-Christ, le 23 octobre. il a dit ça au XVIIe siècle, mais ce qui est dramatique dans cette affaire-là, c'est qu'il, oui. Moi, ce qui est dramatique, c'est qu'il n'a pas donné l'heure. Alors si, parfois, on dit qu'il aurait avancé, avancé une heure, 9 h du matin, donc bon, ça c'est moins sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a parlé de 4004 avant Jésus-Christ. Alors ça serait comique si c'était pas dramatique, vu que les théories créationnistes qui s'opposent au darwinisme et qui donc reviennent en force, notamment en Amérique, eh bien ces théories s'appuient principalement sur les calculs de James Usher. Pour les créationnistes, effectivement, la Terre, eh bien, elle a été créée en 4004 avant Jésus-Christ, tout est arrivé tel quel, tout près, tout chaud, il n'y a pas eu d'évolution. Mais les créationnistes me font vraiment flipper, quoi. Ah bah, ça fait flipper. Hein. Bah, Lucie, elle est arrivée quand alors? Ben, elle est arrivée en kit, parce que selon les créationnistes, Dieu a tout créé en même temps, donc voilà, pas d'évolution. Et les créationnistes vont jusqu'à dire que les fossiles qu'on a trouvés et qui étaient la théorie de l'évolution, eh bien, c'était comme des pièges placés par Dieu pour induire les humains en erreur. Mais tout ça, voilà, encore une fois, ça serait pas comique si c'était pas aussi dramatique, quoi. Parce que, oui, voilà, non, mais parce que ça influence vraiment beaucoup, écoles, beaucoup du monde. Il y a certaines écoles en Amérique, notamment dans le Kansas, où le créationnisme a été imposé à égalité avec le darwinisme. Et parfois même, le darwinisme n'est plus enseigné, donc ça fait flipper dans la première puissance mondiale. Mais non mais attends, tu rigoles ou quoi? Il y a certains États où il est interdit d'apprendre le créationnisme, le darwinisme aux enfants avant l'université. Ah oui, non mais ça fait peur. Ça fait très peur. Moi, ça me défonce. Et qui croit un gars qui a fait des calculs, il sort de quelle année, lui? 16e siècle. Le mec, il fait des vieux calculs. Et surtout qu'il s'est basé sur la Bible. Parce que sur la Bible, voilà, donc je ne sais pas si vous avez jeté un œil au bouquin, au best-seller, mais on voit des personnages qui ont fréquemment plus de 5 siècles, 800 ans, 900 ans, Noé, Adam, c'est à coup de 900 ans. On parle de Mathusalem, qui est le plus vieux du tas. bon, qui a dû faire péter le millénaire, mais donc voilà, il s'est bué là-dessus, donc c'est un peu plus fiable hein, pour calculer que la Terre avait... En plus, il comptait avec un boulier à l'époque, donc c'est pas très sûrement, fiable. Bon voilà, on a fait le tour hein, des petites erreurs des experts, donc je vous rappelle encore une fois que le but n'était pas de décrédibiliser les experts, on a besoin des experts, bien évidemment, mais parfois, il se peut que leur opinion personnelle prenne le pas sur les faits et sur les preuves, et donc là, le souci, c'est que ça peut induire en erreur plusieurs millions de personnes, donc encore une fois, prenez du recul sur ce qu'on vous dit. Et puis, il vaut mieux se taire, quoi. Si on n'est pas sûr, il vaut mieux se taire, création 4004, voilà, bien, bravo Mika. Non, c'était pas du tout une blague, là. Ah bon ? Ouais, mais tu l'as fait sans faire exprès, non ? Ouais, non, bah, c'est bon, bravo, tu deviens de plus en plus fort, tu réfléchis même plus, maintenant, ça sent tout seul. Cette fois-ci, Thomas va nous entretenir d'un personnage assez mystérieux, un scientifique moyenâgeux qui s'appelle donc... Roger Bacon. Roger. Donc, personnage donc, qui était partie prenante de l'histoire hein, de tout à l'heure, le manuscrit de Voynich. Donc, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, c'est totalement autre chose. Mais donc, si vous avez suivi, il faisait partie donc, de cette histoire, puisque Roger Bacon serait donc la personne à qui on attribuerait le plus probablement l'écriture de ce manuscrit. Alors, qui est Roger Bacon ? C'est tout simplement un scientifique, et c'est tout simplement aussi le scientifique le plus étrange du Moyen-Âge. Alors en fait, c'est un moine anglais du XIIIe siècle, donc qui date, hein, qui s'est jamais vraiment intéressé, on va dire, à la foi au sens chrétien du terme. Il a toujours eu ce côté un petit peu scientifique dans l'âme, recherche, etc. Un petit peu, alors je le connais pas personnellement forcément, mais dans sa description, je le sens un petit peu comme le moine qui est joué par Sean Connery, ouais, par exemple, dans Le Nom de la Rose. Voilà, le moine éclairé, voilà, exactement. Je le ressens un petit peu comme ça. Et donc en fait, ce scientifique moine est tout simplement le précurseur de la science expérimentale. Donc c'est lui qui a plus ou moins mis en place tous les fondements de notre science actuelle, hein. C'est-à-dire que pour prouver, il faut expérimenter, une fois que c'est expérimenté, mettre en application réelle, etc. Et donc il a créé un petit peu tout le principe de vérification qui sont maintenant les bases et les fondements de notre science moderne. Alors en fait, ce personnage est tellement extraordinaire, on lui attribue tellement de choses, il a découvert déjà en signant de son nom tellement de choses hallucinantes que les spécialistes du monde entier lui accordent grosso modo la paternité de tous les manuscrits intéressants qui sont sortis dont on ne connaît pas les auteurs. D'accord. Donc grosso modo, quand les gars tombent sur un bouquin où il y a une idée géniale dedans et ils ne savent pas qui l'a pondu, ils disent c'est bon, ça c'était Roger. Voilà. Donc le D'accord. gars était quand même assez hallucinant. C'est donc une sorte de Léonard de Vinci méconnu, parce qu'il est inconnu malheureusement. Exactement, ouais. Et qui date de bien avant Léonard de Vinci, puisque justement avant Vinci, il avait donc il prévoyait donc déjà les voitures sans chevaux, comme il les appelait. Il prévoyait les bateaux à moteur, les machines volantes. Il a inventé la poudre bien avant les Chinois, en tout cas sur papier. Il a inventé la poudre, etc. Les principes actifs à mélanger pour qu'il y ait un résultat satisfaisant. Donc vraiment un personnage très très éclairé, très éveillé, mais qui avait donc cette particularité étonnante. Alors peut-être sous la pression de l'Église, etc. Il a dû faire comme ça pour éviter d'être démasqué. De avoir rarement signé ses manuscrits. Et donc c'est pour ça que rapport donc au manuscrit de Voynich, on l'associe à ça, puisqu'effectivement, ce que se disent là les scientifiques du monde entier, c'est que ce qui leur est marqué dans ce manuscrit était tellement anticlérical, entre guillemets, tellement scientifique, tellement intéressant, qu'il a été obligé de le coder pour éviter d'être démasqué, et qu'il n'a jamais signé ce document, et c'est pour ça qu'on lui attribue ce manuscrit de Voynich, et c'est ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de scientifiques redoublent d'intérêt pour ce manuscrit en se disant si ça se trouve dedans, il y a des idées absolument géniales, puisque c'est quand même un homme qui a tout simplement donc inventé la science moderne, qui a révolutionné la façon de procéder expérimental des scientifiques, qui a prévu des tonnes et des tonnes de choses. Alors là, je vous ai donné un petit listing, mais pareil, les sous-marins, pour lui, c'était largement faisable. Il avait même pensé, effectivement, à une époque, alors que ça a été inventé plus que très récemment, aux bouteilles à oxygène pour pouvoir aller sous l'eau. Alors lui, dans son idée, effectivement, c'était, il voulait créer des bouteilles dans lesquelles il y avait du véritable air relié à un tuyau, etc. Donc c'était moins complexe quand même que les bouteilles qu'on connaît de nos jours. Mais bon, dans l'idée, dans le principe, c'était déjà là. Enfin voilà, grosso modo, comme tu dis, un espèce de Léonard de Vinci, sans le côté artistique, puisqu'il n'était ni peintre ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, un pur génie scientifique, et pourtant très méconnu. Mais alors, il y a beaucoup de personnages au fil de l'histoire... qui se rapproche un petit peu de ce Bacon ou de Léonard de Vinci également. des génies multicartes comme ça, qui touchaient un petit peu à tous les domaines, à l'art, à la science. Il y a Nikola Tesla aussi qui est dans ce crew-là, hein, dans ce c'est club des génies c'est éclairés clair. Qui touchaient un peu à tout. On pourra en parler d'ailleurs, Nikola Tesla qui était assez hallucinant. Il y a Machiavel qu'on connaît surtout pour ses traités sur la guerre, etc. Mais qui était aussi un pur génie scientifique qui a créé des machines, alors toujours des machines de guerre. Il était un petit peu obtus sur la guerre, mais qui a créé des machines de guerre tout simplement révolutionnaires, des concepts et des stratégies hallucinantes. Enfin, il y a nombre de personnages comme ça, effectivement, qui ne sont pas sortis du lot. Alors pourquoi Léonard de Vinci plus que les autres? Je ne sais pas vraiment. Sûrement parce qu'il avait il avait ce côté artistique en plus qui lui a permis d'être apprécié du grand public, etc. C'est même certain parce que à part la Joconde, il a aussi peint la Seine, Léonard de Vinci, mais voilà. Il n'est pas connu pour son œuvre en général, il est connu pour une toile. C'est pas faux. En particulier, s'il n'y avait pas eu la Joconde, La chapelle Sixtine, c'est pas dégueu. C'est pas Léonard de Vinci qui a fait la chapelle Sixtine, c'est Michel-Ange. C'est Michel-Ange, ouais, exact. Exact. Non, mais il ne faut pas se moquer, hein. C'est vrai qu'une erreur est arrivée. Ils étaient pas très potes d'ailleurs, tous les deux. Et l'obélisque de Paris, c'était la même époque. Voilà, et puis. Puis ensuite, voilà, Donatello et Raffaello, et on a les Tortues Ninja, voilà. Eh bien, merci. Puis en plus, la confusion, sûrement. C'est sûrement pour ça. Merci Thomas, donc, de nous avoir parlé de ce personnage mystérieux. C'est vrai que, voilà, encore une fois, tous les trois siècles, il y a des personnages qui semblent être en avance sur leur temps, comme ça, et on vous parlera, je pense, de Nikola Tesla dans une émission à venir, et d'autres figures de ce style-là, voilà. Et c'est parti pour les informations insolites, les infos bizarres qui se sont déroulées à la surface de la planète durant cette semaine. Et on démarre avec une Brésilienne qui a donc choqué sa famille en ressuscitant littéralement. Elle est revenue une semaine après sa mort chez elle. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Explication, donc... Je comprends que c'est choqué, là, pour l'instant. Tu m'étonnes. Alors cette femme s'appelle Maria Fabiana Franco. Et donc, ses proches ont cru que c'était un fantôme qui revenait à la maison une semaine après sa mort, puisque donc la sœur de Maria Franco, qui s'appelle Adriana Lacerda, était allée authentifier le cadavre de sa sœur, et la femme qu'elle avait authentifiée donc était très ressemblante en fait. D'accord. Elle avait des cicatrices identiques, elle avait les mêmes sourcils, en fait des détails que seuls les proches peuvent identifier, et donc elle avait déclaré que c'était effectivement le cadavre de sa sœur. Voilà. Donc le corps a été enterré bien dans la crypte familiale, et une semaine après, donc la famille était encore évidemment en phase de deuil, et puis là, la présumée défunte elle est arrivée tout simplement, elle a frappé à la porte, elle s'est présentée, et donc ils n'ont pas voulu la laisser rentrer, hein, tout simplement parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme qui revenait d'entre les morts. Alors à ce moment-là, ils ont appelé la police a débarqué, et ils ont tout simplement compris que cette madame Franco était partie avec son chéri, puisqu'il était en cavale. Il s'est fait serrer par les flics, donc elle est revenue auprès de sa famille, mais donc le corps qui avait été authentifié, bien c'était tout simplement une étrangère qui ressemblait très très bizarrement à Maria Franco. Mais comment ça se fait que la morgue ait appelé la famille en question? Puisqu'ils se basent comme sur les papiers d'identité, ce genre de choses. Ben non, ils ont retrouvé un corps. Vu que Maria Franco avait disparu, ils ont appelé la famille d'accord. Qui ont authentifié que c'était effectivement le corps de Franco. Donc elle est revenue une semaine après. C'est vrai que là, c'est quand même le genre de cas qui n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Ils ont dû avoir le choc de leur vie en voyant ce fantôme revenir. Mais en même temps, ils étaient très très heureux, évidemment, puisque bon. Quand tu crois qu'un proche est disparu et puis qu'en fait non, ça doit faire plaisir. Donc du coup, la femme qui est enterrée dans leur caveau, ils ne savent pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, voilà, absolument. Une histoire qui s'est passée dans le Maine. Alors le Maine, c'est l'état américain de prédilection de Stephen King. Et vous allez voir que là, une histoire s'est déroulée dans le Maine qui pourrait tout à fait être l'œuvre de Stephen King lui-même. Puisque donc il s'agit d'un animal qui a été découvert mort près de lignes à haute tension. Et en fait, depuis quelques années, dans ce village où a été découvert l'animal, les villageois s'inquiétaient parce qu'on retrouvait fréquemment des cadavres d'animaux, il y avait des cris bizarres souvent la nuit, des gens avaient vu passer une bestiole étrange, etc. etc. Donc c'était le début d'une légende, et pendant 15 ans, donc, il y avait quasiment une sorte de légende urbaine autour d'une créature mystérieuse dans ce village du Maine. Et là, un animal vient d'être retrouvé mort, comme je vous le disais, et cet animal est particulièrement effrayant. J'ai vu la photo et c'est vrai que on dirait considéré un peu le chien du diable, en gros, hein, pour la faire courte. C'est une espèce de, d'hybride mutant, à mi-chemin entre le chien et le rongeur. Très, très bizarre. Le chien de Baskerville, quoi, dans le genre. Voilà, et donc les gens pensent que c'est la fameuse bête donc, qui aurait terrorisé le voisinage pendant 15 ans, qui aurait été retrouvée, donc. Et pour le coup, voilà, c'était pas une légende. Il y avait bien une sorte d'animal mutant. Et ce qui est inquiétant, c'est que cet animal avait, par exemple, tué un Rottweiler et un Doberman. Donc c'était pas une petite bête, hein, c'était un monstre carrément. Et donc voilà, apparemment c'est. Alors ils sont pas encore certains que c'était bien la créature, mais a priori aussi, hein, parce que avec cette gueule là, il y a des chances. Donc voilà, ça se passe dans le Maine, c'est ça qui est drôle. Ça pourrait être l'œuvre de Stephen King, mais non, c'est bien réel. Voilà. Quel est le rapport avec les lignes à haute tension ? Alors en fait, il a été retrouvé près de lignes à haute tension. Mais on n'est pas certain que ce soit à cause de ça qu'il est mort. Ah, on n'est pas, oui, okay. pas sûr qu'il ait été électrocuté. On pense qu'il a pu être aussi percuté par une voiture, puisqu'il y a la route qui passe juste à côté. Donc voilà. Une autre histoire qui est arrivée à un certain Jess Hernandez. Et vous allez voir que c'est un plaidoyer contre la vente d'armes. Hein, très clairement, ça s'est passé en Amérique, évidemment. Et donc ce Jess Hernandez, qui est âgé de 35 ans, était en train de nettoyer son M16. Parce qu'il avait un M16 à la maison, donc voilà, chacun son truc. Eh oui. Et évidemment, donc vous l'avez deviné, le coup est parti, et il a traversé le mur. Et derrière le mur, il y avait un lit, et dans ce lit, il y avait un jeune garçon, il s'appelait Salvo Garcia, un garçon de 24 ans qui est mort sur le coup, évidemment, il a pris donc la balle dans la tête. Et donc, après que le coup soit parti, Hernandez, qui était en train de nettoyer son M16, s'est dit qu'il n'y avait aucune chance pour que quelqu'un soit touché, hein, quand même, il fallait que ça traverse une cloison, et il fallait que quelqu'un, le voisin en l'occurrence, se trouve dans la trajectoire de la balle. Et bien donc, effectivement, il y avait peu de chance, mais ça s'est produit, et quand la femme de la victime est rentrée chez elle. Elle a vu son mari donc dans une mare de sang dans le lit. Elle s'est mise à hurler et c'est là que Hernandez a compris que malheureusement sa balle avait touché quelqu'un. Donc il s'est enfui, il est parti chez son frère et il a appelé la police pour se dénoncer coupable. Alors donc voilà, le procès va avoir lieu. Évidemment, la police a compris qu'il s'agissait d'un accident, donc il va sûrement bénéficier de circonstances atténuantes, comme on dit. Mais voilà, encore une fois, c'est le genre de choses qui n'arriverait pas si on n'avait pas d'armes à la maison. M16 n'était pas en vente libre. Mais n'importe donc, quelle arme, de toute façon. Voilà, n'importe quelle arme, évidemment. Quoique là, il fallait quand même une arme assez puissante pour traverser le mur, et encore plus des armes de guerre. Il veut pas un bazooka pour chasser le lapin, je veux dire. C'était pour se défendre. Hein. Le M16, c'était pour se défendre. Voilà. au cas où l'armée viendrait l'attaquer. Exactement, au cas où il y a 300 mecs qui décident de venir cambrioler en même temps son appart. Sans doute. Une autre histoire qui se passe dans le Michigan. Les gens qui travaillent dans les pressings et qui nettoient les habits, bon, il arrive qu'ils trouvent des choses un petit peu étranges dans les poches des clients. Mais là, cette fois-ci, c'était quand même particulier, donc, puisque un employé de pressing a trouvé une note dans la poche d'un vêtement qui avait été laissé par un client. Et sur cette note, il y a écrit « Tu as commis un meurtre, mais personne ne le sait, personne ne le croit, surtout. Tout ce que je peux faire, c'est me suicider, et là, tout le monde verra ce que tu as fait. » Alors, l'employé du pressing, quand il a vu cette note, il s'est dit, là, il faut que j'appelle la police, hein, c'est un complot, elle veut se suicider, faire passer ça pour un meurtre. Donc, il a appelé la police, et en fait, il s'est avéré que la personne à qui appartenait la note, eh bien, c'était un acteur, et cette note, c'était un accessoire. Donc, l'acteur jouait dans une pièce dramatique, dans laquelle, à un moment donné, effectivement, il sortait ce billet, il déclamait ce qu'il avait écrit dessus. Donc, voilà, c'est quand même assez magnifique, puisque on aurait pu croire que c'était plus dramatique que ça, juste mignon, c'était un accessoire de théâtre. Voilà, et donc, voilà, ça a sûrement dû faire la semaine, j'imagine, de cet employé de pressing, qui a dû en faire l'anecdote de prédilection à tous ses potes. Donc, voilà. Une autre histoire qui s'est déroulée au Texas, qui finit très très bien, donc une bien jolie histoire, qui est arrivée à Kevin Brown, un jeune enfant de 2 ans et demi. Et donc il a erré pieds nus dans les plaines du Texas, il s'est aventuré dans des prairies aux herbes plus hautes que lui, près de mares fréquentées par des lynx et des coyotes. Et donc pour le shérif du comté de Johnson où cette histoire est arrivée, c'est un miracle que le petit garçon de 2 ans et demi ait été retrouvé vivant, puisque donc il a survécu 3 jours. Ah, oui. Et c'est un hélicoptère qui a repéré le petit Kevin dimanche soir, près d'un kilomètre de chez lui quand même, il a marché un kilomètre. Ça faisait donc plus de 70 heures qu'il avait disparu alors qu'il jouait devant le mobile-home de ses parents. Alors, il souffrait quand même de déshydratation, de coups de soleil et de piqûres d'insectes, et de légères coupures aussi, et les psychologues vont tenter de savoir s'il a pu être victime d'un enlèvement ou s'il s'est juste échappé, égaré. En tout cas, il a survécu et c'est assez génial, ça met du baume au cœur, c'est un petit peu la bonne nouvelle de cette session bizarre. Donc on continue avec les infos bizarres de la semaine. Alors à Lyon, un jardinier botaniste a découvert dans les serres du parc de la Tête d'Or une souris donc qui avait été dévorée par une plante carnivore. Alors cette plante, c'est de la bonne plante déjà. C'est un truc de fou. Donc cette plante, elle est originaire des Philippines. Elle s'appelle la Nepenthes truncata. Donc on imagine tout de suite la plante carnivore de la petite boutique des horreurs avec une grosse bouche énorme. Et donc c'est un phénomène qui a été observé pour la première fois au monde. Mine de rien, on n'avait jamais vu ça. Et donc ils ont été. Non mais parce que d'habitude ça bouffe des moucherons, des petits corps vivants. Voilà, tout à fait. Alors voilà ce qui s'est passé. Ils ont été alertés par une odeur nauséabonde dans la serre. Donc le jardinier a vérifié les urnes, donc c'est des feuilles en forme de poche qu'il y a sous la plante, et ils ont trouvé la souris au fond. Donc à leur avis, le rongeur devait être piégé depuis plusieurs jours, et il avait sans doute été attiré par les insectes morts qui se trouvaient à l'âge. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit souci. C'est-à-dire que voilà, il y a des jingles qui partent tout seuls. Bon, alors je reprends. Donc la souris, donc elle devait être piégée depuis plusieurs jours. Elle avait sans doute été attirée par les insectes morts qui se trouvaient dans l'urne de la plante. Et elle est tombée au fond, voilà, tout simplement. Alors, après, une fois au fond, elle a dû se débattre. Elle a essayé de remonter, mais les parois internes de la plante sont lisses, avec des petits poils orientés vers le bas pour empêcher normalement les insectes de remonter. Mais là, ça a fonctionné même avec une souris. Elle s'est essoufflée, elle a essayé de remonter. Mais comme l'urne est remplie de sucs digestifs, eh bien, tout simplement, elle est morte, digérée, liquéfiée, dans une mort sûrement très lente et particulièrement atroce. Voilà. Ouais. Donc, ça, pas la souris, ouais. le responsable du parc dit donc qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ce que peuvent manger les plantes carnivores, mais c'est donc la première fois qu'on a la preuve en photo qu'une plante carnivore peut manger aussi des petits mammifères. Donc voilà, ça fait flipper quand même. Voilà, on continue avec une histoire de rituel satanique. Alors, vous vous rappelez sans doute que la saison passée, on avait parlé ici de satanisme, et je vous disais que le satanisme, comme beaucoup de groupes plus ou moins occultes et d'ordre secret, c'était pas ce qu'on voulait bien en croire. Il y avait une église satanique en Amérique qui était plus une sorte d'ordre philosophique finalement, et qui ne croyait pas réellement à l'existence du diable, mais qui s'élevait plutôt contre tous les préceptes chrétiens, voilà. À côté de ça, il y a aussi des adorateurs, oui, du diable, mais c'est très très rare. C'est des petits ordres occultes, mais d'importance moindre, qui ne sont pas organisés. Et puis, à côté de ça, il y a aussi simplement des plaisantins qui font partie de cette culture satanique. Voilà, souvent des fans de métal qui veulent faire les malins ou qui veulent faire peur. Donc, à mon avis, l'histoire qui suit fait plutôt partie de cette troisième catégorie, des petits malins qui veulent faire les méchants satanistes. Et donc, ça se passe dans le Devon, à Dartmoor. Donc, le Devon, c'est une région de l'Angleterre. Et la police est donc en train de poursuivre des adorateurs présupposés du démon après une série de meurtres rituels sataniques sur des moutons, voilà, qui vivaient dans un parc national. Alors, une centaine de bêtes a déjà été retrouvées mutilées, massacrées, avec les langues, les yeux et les organes sexuels prélevés, voilà. Donc ça ressemble aussi aux mutilations de bétail qu'on associe plus généralement aux ovnis, hein, et aux extraterrestres. Voilà, c'est vrai qu'on retrouve souvent, on a retrouvé. Oui, au Chupacabra. Au Chupacabra, voilà, c'est vrai, selon le pays où on se trouve, on associe ces massacres, ces mutilations de bétail à différents mythes contemporains. Et donc là, la police a mis ça sur le dos d'une secte satanique. Alors pourquoi ? C'est aussi parce que on a retrouvé les corps arrangés sous la forme de pentacles. Donc le pentacle, c'est un symbole kabbalistique qui est associé au satanisme. Et donc tous les meurtres auraient été réalisés durant la pleine lune, voilà. Alors dans la dernière attaque en date, le fermier qui s'appelle Charles Mudge a trouvé 30 de ces bêtes, donc encore une fois décimées, avec un symbole étrange, une espèce de lune, mais pas pleine pour le coup, de lune à moitié pleine, gravée dans la chair directement. Et il a découvert les corps de ces bêtes donc près d'un autel de pierre avec un pieu aussi, un pieu de bois ensanglanté. Voilà, donc c'est très très mystérieux. Plus d'une centaine de bêtes encore une fois. Donc pour moi, très clairement, c'est des petits malins qui s'amusent à faire flipper le voisinage. Ouais, c'est clair. Hein. Parce que c'est vrai, voilà, le fantasme, le mythe de la secte satanique qui enlève des petits bébés, etc. Ça reste une légende. Il n'y a pas ça. Il y a des groupes sataniques, mais comme je vous le disais encore une fois, c'est souvent des groupes philosophiques. Donc voilà, pour moi, là, c'est clairement ce genre de truc-là. En tout cas, c'est assez dégueulasse. C'est des ados pseudo-goths complètement tarés. Sûrement, mais ça reste quand même bien dégueulasse et bien extrême. Et ça se passe en Angleterre. Donc je vous dirai, s'ils en savent plus, pour l'instant, aucun suspect, aucune piste. Donc voilà. Je continue avec une nouvelle qui ne fait pas partie de l'actualité récente, hein, puisque ça remonte à 1995. Mais je l'ai apprise récemment, moi, donc je vous en parle. Alors, figurez-vous que le 25 janvier 1995, la Troisième Guerre mondiale, rien de moins, a failli être déclenché, chers amis. Alors pourquoi ? Parce que en fait, donc la Norvège et les États-Unis donc avaient lancé des missiles, des roquettes de recherche pour scanner l'Arctique en fait. Et donc ils avaient lancé ces missiles depuis une île norvégienne. Voilà. Donc suivant le protocole en place, la Norvège avait alerté la Russie en lui disant qu'ils étaient sur le point d'envoyer un missile, mais donc un missile d'observation, encore une fois. Mais le message n'est jamais parvenu aux oreilles des intéressés. Apparemment, il y a eu quelques problèmes d'organisation. Et donc, au milieu de la nuit, un radar russe détecte ce qui ressemble à un missile nucléaire. Donc, ce n'était pas le cas, mais en tout cas, ça y ressemble. Et ce missile était lancé en direction de Moscou, depuis un sous-marin américain. Voilà. Donc il n'en faut pas plus, évidemment, pour que les Russes croient à une attaque nucléaire menée contre la Russie. Donc là, à l'époque, c'était Boris Eltsine, le président. Donc vous savez qu'il était fréquemment alcoolisé à cette époque-là, Boris. Donc les militaires l'avertissent tout de suite, le réveillent et lui disent « Voilà ce qui se passe, on a un missile sur les radars, lancé d'un sous-marin américain et il vient vers nous, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, le président qui... encore une fois, peut-être a été bien imbibé, donc a sorti pour la première fois la fameuse valise noire qui contient les codes pour lancer les missiles nucléaires, la contre-attaque nucléaire. Et donc il avait quelques minutes seulement pour décider si oui ou non il allait lancer ce missile, cette contre-attaque. Et donc heureusement pour la planète entière, donc les radars russes ont montré quelques minutes après que le missile en fait se dirigeait vers la mer et non pas vers Moscou, hein, qui faisait que passer. Donc l'alerte rouge a été annulée et la Troisième Guerre mondiale a été, on va dire, ajournée. Voilà. Donc ce jour-là, alors que évidemment on s'en doutait pas, la fin du monde. Voilà, le 25 janvier 1995, la Troisième Guerre mondiale a failli être déclenchée. Donc voilà. Respirer un grand coup après cette nouvelle, souffler, ça a failli nous tomber sur la gueule. C'est clair. Et c'est sur cette nouvelle relaxante, je dirais, que l'émission s'arrête. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Bisous. Bye bye. Salut.